toujours vainqueur. Jésus-Christ consolateur, il a pris sur lui mes douleurs. Oh, quel bonheur! Et de sa voix douce, il me dit: je t'aime. Viens d'échanger sur moi ta peine. Et laisse-moi te tenir la main, car je sais où je t'emmène. Je suis la main. Il a Dieu que tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu. Il remet l'espoir dans tous les cœurs brisés, et promet la joie à tous les méprisés. Il éteint la rage de celui qui dévore. Fait passer l'orage et refait le décor. Jésus le reconfort de tous les rejetés, la gloire de racheter. En lui je vis de nouveau, et rien n'est si beau. Même au comble du désespoir, Jésus peut changer ton histoire. Oh, il viendra essuyer les larmes de tes yeux. Oh, arroser ton âme de la rosée des cieux. Arroser ton âme de la rosée des cieux. Jésus, parole de la consolation qui apaise mon âme de ses tourments. L'agréable ami qui dépose à ses pieds le fardeau qui retenait la joie de mon cœur. Et tout mon être peut de nouveau rayonner de tout son éclat. Car mon consolateur m'a comblé. Jésus, alléluia.